Emmanuel Kant, essai philosophique sur la paix perpétuelle. À la paix perpétuelle. Cette inscription satirique, tracée par un aubergiste hollandais au bas de l'enseigne où il avait fait peindre un cimetière, s'adressait-elle aux hommes en général? Visait-elle en particulier les souverains insatiables de guerre? Ou simplement les philosophes qui se livrent au doux rêve d'une paix perpétuelle? Nous ne saurions le décider. Quoi qu'il en soit, l'auteur de cet écrit le publie sous une seule réserve, que voici. Le politique pratique a coutume de témoigner au faiseur de théorie autant de dédain qu'il a de complaisance pour lui-même. À ses yeux, le théoricien n'est qu'un pédant d'école dont les idées creuses ne sont jamais d'aucun secours à l'État auquel il faut des principes déduits de l'expérience. Le théoricien n'est donc qu'un joueur insignifiant à qui l'on peut permettre de faire de suite tous ses coups sans avoir besoin de prendre aucune précaution contre lui. Voilà l'usage. Je l'accepte. Mais que l'homme d'État daigne donc être conséquent. Et si, par hasard, il découvre dans cette brochure des idées opposées aux siennes, qu'il ne s'imagine pas voir quelque danger pour l'État dans des opinions hasardées à l'aventure et publiées avec franchise. Clause de précaution par laquelle l'auteur prétend expressément se munir, en bonne et due forme, contre toute interprétation maligne.